There is this thing. Do you realize what is there? Do you realize our consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bienvenue dans En Profondeur sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je m'appelle Antoine et je vais être votre hôte aujourd'hui. C'est ma première émission. Nous allons aujourd'hui parler des libertés civiles et la surveillance dans le contexte de la loi C-51 du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Nous sommes aujourd'hui pour offrir aux opposants à cette loi la possibilité de s'exprimer sur leur réticence à cette loi. On entendra des témoignages de répression politique ainsi que les principaux opposants à cette loi. Monsieur Dominique Péchard, président de la Ligue des droits et libertés, sera en studio pour répondre à mes questions et nous apporter les dernières nouvelles sur l'évolution du projet de loi. Bonjour monsieur Péchard, ravi de vous accueillir en studio. Bonjour. Vous écoutez En Profondeur, on revient dans un instant. Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3, il est maintenant 5h05. Pour cette émission spéciale, je vais débuter par une citation. J'ai lu ce titre quelque part récemment, « Big Brother débarque au Canada, faites-moi rire, Big Brother est ici depuis longtemps, très longtemps ». Cette citation vient de Suzanne Chabot, protagoniste de notre prochaine histoire dans un éditorial pour la presse. Suzanne Chabot fait partie des trois femmes avec Cathy Leroux-Chtel et Wendy Stevenson, protagonistes d'un cas de répression politique ici au Québec qui fut trop oublié. Cette histoire nécessite d'être rappelée au moment où la loi C-51 est en passe d'être adoptée. Donc Wendy Stevenson raconte dans l'interview qui va suivre comment en 1979, trois femmes militantes politiques furent renvoyées de leur emploi chez Pratt & Whitney au même moment après qu'un agent de la GRC eut averti de leur direction de leurs engagements politiques. Quelques mois plus tard, elles furent renvoyées à nouveau simultanément, mais cette fois-ci dans deux entreprises différentes. Donc nous allons écouter Wendy Stevenson nous parler de son histoire et de la répression et le profilage politique qui sévissent au Canada depuis malheureusement bien longtemps. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de votre histoire en lien avec la répression et le profilage politique. Tout commence à l'automne 1979, vous travaillez alors pour Pratt & Whitney et vous êtes congédiée en même temps que deux autres collègues femmes. Pouvez-vous nous expliquer en détail ce qui s'est passé cette année-là? On était trois pour appliquer à Pratt & Whitney, trois femmes. Deux étaient des machinistes qui avaient sorti des cours de machinistes. Et moi, j'étais quelqu'un non qualifié. On était engagé à Pratt & Whitney. On a passé 2 mois et 29 jours travaillant là. On avait des bonnes relations avec nos compagnons de travail. On avait des bonnes recommandations de nos contremaîtres que notre travail était excellent. Et comme j'ai dit, 2 mois et 29 jours après qu'on était engagé, on était tous appelés. On était sur trois chiffres différents, trois équipes différentes dans des parties différentes d'usine. Puis on était appelés dans le bureau de nos contremaîtres pour être informés qu'il y avait une mise à pied puis qu'on était mis à pied. Comme j'ai dit, c'était une journée avant de rentrer officiellement dans le syndicat. Alors, on a appris le lendemain que les trois faisaient partie de ce mise à pied. Alors, on a appelé le syndicat pour savoir combien de gens avaient été mis à pied. Puis, drôlement, il y avait juste trois personnes dans toute l'usine, même s'il y avait du monde avec moins que 2 mois et 30 jours, 29 jours. Alors, là, on était bien curieux comment ça se faisait que tout ça s'est arrivé. Alors, on a discuté qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on a décidé qu'on voulait voir le syndicat en premier. Le syndicat, même s'ils nous ont appuyés, ils trouvaient que c'était... pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que formellement, ils ne pouvaient pas nous défendre parce qu'on n'était pas formellement dans le syndicat encore. Mais ce qu'ils ont fait, ils étaient prêts à prendre responsabilité de soumettre une plainte à la Commission des droits de la personne de notre part, qu'il y avait quelque chose. Puis nous, à ce point-là, on pouvait juste deviner, mais on était des militants politiques, on était des féministes, on avait participé dans le mouvement pour l'indépendance du Québec, contre la guerre au Vietnam, toute une série d'activités. Et est-ce que c'était syndical? Est-ce que c'était politique? Est-ce que c'était discrimination contre les femmes? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le monde traditionnel à ce point-là. On ne pouvait pas deviner. Personne ne nous a dit, évidemment. Alors, on a fait la plainte à la Commission des droits de la personne qui a procédé avec une enquête. Mais il fallait qu'on gagne notre temps quand même. Alors, on a cherché d'autres emplois. Et deux de nous, Suzanne Chabot et moi-même, on a été engagés à Canadair, dans le département de l'électricité. Et la troisième femme, Katie Leroux-Jutel, avait été engagée dans Canadian Marconi. Deux compagnies, deux mois plus tard, on était encore les trois appelés dans les bureaux des contremaîtres pour être informés qu'il y avait un surplus de personnel puis qu'on était mis à pied. Alors, encore une fois, c'était clair qu'il n'y avait personne d'autre qui était mis à pied. Ils n'ont même pas essayé de le cacher en faisant quelque chose un peu plus large. Alors, à ce point-là, la Commission des droits de la personne a commencé leur enquête. Et ils ont découvert, à travers leur enquête, que, premièrement, on avait des bonnes recommandations de nos contremaîtres. C'était vraiment pas notre travail. Qu'il n'y avait pas d'autres mises à pied. Et troisièmement, à peu près un mois après notre embauche, un agent de la GRC est venu pour informer Pratt & Whitney que nous, on était des militantes politiques. Alors, il a signé le registre. Alors, ils ont pu retracer tous les gens qui ont signé le registre à Pratt & Whitney, plus le responsable de la sécurité est un ancien de la GRC, un compagnon de travail de celui qui est venu. Alors, ils savaient exactement à quoi ils voulaient, et il y avait plusieurs rencontres de la haute direction de Pratt & Whitney par rapport à quoi faire avec nous avant qu'ils ont atterri avec cette idée de mise à pied à cause d'un surplus de personnel. Alors, on a mené une campagne assez large et publique. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que notre expérience personnelle n'était pas la seule expérience comme ça. Mais ce qui a fait de notre cause quelque chose de beaucoup plus pointu, dans un sens, c'est qu'on a décidé de se défendre publiquement. Mm. Et on a décidé de confronter et Pratt & Whitney et le GRC sur pourquoi ils nous harcelaient pour nos idées politiques. Est-ce que, lors du deuxième renvoi simultané, alors que vous êtes dans deux entreprises différentes, est-ce que alors vous êtes vraiment rendu compte d'être persécuté et même profilé politiquement? Est-ce que c'est à ce moment-là où vous êtes rendu compte que vous étiez la cible d'une campagne de répression politique? Mais c'était pas la première fois qu'il y avait eu une intervention, pas juste nous, mais d'autres, pendant les Olympiques. Il y avait des gens qui avaient été engagés à COJO, qui était le comité organisateur, qui avaient été congédiés pendant le temps des Olympiques parce qu'ils étaient des risques à la sécurité. Alors, ce n'était pas la première fois, mais il faut dire que c'était la première fois pour moi. Et moi, j'avais commencé à militer à partir de 65, on parle de 79. Mm. Alors, ça faisait 14 ans que je militais sur toutes sortes de causes. Et je ne veux pas être mal interprétée avec ce que je vais dire, mais tout d'un coup, j'ai réalisé qu'ils nous prenaient plus au sérieux, peut-être que nous, on se prenait. Mmh. Qu'ils nous suivaient, qu'ils nous espionnaient, qu'ils faisaient l'effort de nous faire congédier deux fois de suite de nos emplois. Pourquoi? Ça, c'était la question. Si on était vraiment une menace à la sécurité, si on avait fait des choses... pourquoi on n'était pas accusé, arrêté? Mm. Non, on n'avait rien fait. Moi, j'avais aucun record criminel, les deux autres non plus. On n'avait même pas jamais été arrêté dans une manifestation ou quelque chose comme ça. Et dans toutes ces années, on était tous très actifs. Alors, c'était clair que c'était une façon d'essayer de viser les gens sur la base de leur point de vue politique et de les empêcher d'avoir le droit de travailler. Et c'est vrai que, est-ce que vous pouvez... expliquer, parce que ça peut paraître loin pour beaucoup de gens, l'année 79, début des années 80, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte politique ici au Québec qui poussait le gouvernement et les services de police à une répression des militants? Moi, je dirais que juste plusieurs années avant, il y avait eu une lutte syndicale assez importante à Pratt & Whitney. Et dans le temps, ça s'appelait United Aircraft. Puis ça avait été une lutte très dure. Il y avait été beaucoup de répression liée avec ça. Et je pense que Pratt & Whitney voulait à tout prix ne pas avoir ce qu'ils considéraient les troubles faits dans leur usine. Mais aussi, il y avait beaucoup de groupes de gauche dans cette époque au Québec, de toutes sortes. Et je pense que c'était pas qu'il y avait tellement d'affaires qui arrivaient comme telles, mais c'était le fait qu'il y avait toutes ces organisations qui commençaient à militer, s'exprimer, même si on n'était pas toujours d'accord entre nous. On était une force plus importante dans un sens que ce qu'on voit actuellement. Alors je pense qu'ils ont décidé qu'ils voulaient essayer de tuer ça dans l'œuf. Et ça voulait dire nous faire peur, nous faire perdre nos emplois, ça va nous faire peut-être questionner si on veut faire partie d'une organisation, ça va faire questionner les gens autour de nous s'ils veulent faire partie des choses avec nous, parce que peut-être eux, ils vont avoir la même expérience. Alors, c'était une période où il y avait beaucoup de... Bon, si on regarde la situation du Québec, c'était la fin de la Révolution tranquille, il y avait beaucoup de questionnements, et je pense qu'ils voulaient vraiment... faire clair que nous, on n'avait pas de place dans la société. Lors de votre témoignage devant l'Assemblée du Québec à l'époque, vous avez déclaré « De toute évidence, il semble que nos noms figurent sur la liste noire de plusieurs compagnies puisqu'on nous refuse systématiquement des emplois disponibles pour lesquels nous sommes qualifiés. » Ça paraît surréaliste. Comment vous pouvez expliquer... Est-ce que vous pouvez expliquer et décrire ces refus que vous avez subis? Parce que ça paraît surréaliste de tout à coup se retrouver sans la possibilité de trouver un emploi parce qu'on est sur une certaine liste noire d'un gouvernement. Mais je dois peut-être expliquer un peu plus les procédures légales parce que la Commission des droits de la personne a trouvé Pratt & Whitney coupable de discrimination. Le problème, c'est que Pratt & Whitney a des ressources incroyables comparées à nous. Alors, eux, ils ont pris une poursuite contre la Commission des droits de la personne et nous disant que la Commission a fait une enquête biaisée. Cette poursuite est allée jusqu'au Cour suprême. Ça prenait des années. Alors, pendant tout ce temps-là, notre cause était un peu publicisée, mais pas beaucoup. Mais ça veut dire que nous, on n'arrivait jamais, jamais à la question de qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors, entre-temps, on travaillait, il fallait gagner nos vies. On a deux expériences particulières. Une, c'était que Katie LaRougetel avait été engagée dans un petit machine shop qui avait des conditions beaucoup moins bonnes que où on avait travaillé. Puis, à un moment donné, elle a été congédiée. Et Suzanne Chabot avait trouvé un autre emploi un peu dans la même situation. Et quand elle s'est plainte qu'après quelques mois, ou je ne sais pas combien de temps qu'elle avait été là, elle s'est plainte parce qu'elle était engagée, mais un gars qui avait été engagé gagnait $2 de plus qu'elle. Le propriétaire a dit, mais Madame Chabot, je connais votre histoire et vous êtes chanceux d'avoir un emploi ici, alors ferme ta gueule. C'était connu parce qu'on a eu beaucoup d'articles dans les journaux, c'était publicisé, on avait un appui très, très large pour notre cause. Toutes sortes de syndicats, toutes sortes d'individus politiques qui étaient dans, même les députés, même l'ancien politicien fédéral Warren Almond, il y avait du monde qui nous appuyait et aidait à nous financer. C'était vraiment un appui très, très bien et on était très contents de l'avoir. Alors, c'est un choix pour nous, dans un sens. Est-ce qu'on ferme nos gueules? Est-ce qu'on trouve un autre emploi? On ouvre plus nos bouches? Ou est-ce qu'on se défend pour notre droit d'avoir des opinions politiques et un emploi? Alors, tout ça, avec la commission, quand j'ai fait la présentation, c'était surtout pour dire c'est bien bon d'avoir les chartes qui disent quel droit qu'on a, mais à ce point-là, il n'y avait même pas une chose sur la discrimination politique dans la charte du Québec. Je ne sais même pas s'il y en a maintenant encore. Mais... C'était que s'ils ont des moyens légaux, s'ils ont des compagnies d'avocats, des firmes d'avocats, s'ils ont tout ça, et nous, nos ressources, c'était des petits jobs qu'on avait pour gagner nos vies, puis les contributions que les gens nous donnaient, on n'avait aucune façon de se défendre comme il faut. Et quand eux, ils allaient jusqu'au Cour suprême, ce que ça faisait, ça retardait notre cause au point qu'il y avait une question si on pouvait procéder parce que la Commission des droits de la personne avait 2 ans pour finir tout ça. Et si c'était pas fini, c'était à nous de poursuivre tout ça. C'est vrai qu'on ressent après, au niveau de cet appareil juridique, qu'on a même du mal à comprendre la puissance d'une entreprise comme Pratt & Whitney. Mais aussi, ce qui est assez notable dans votre histoire, c'est la lâcheté et la cruauté de cette procédure qui se cache derrière un licenciement sous le motif d'un surplus de personnel pour cacher, en fait, directement un licenciement pour motif politique. Mais le point, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on sache. Et c'était vraiment la très bonne chose que la commission a réussi de faire, c'était de trouver la visite de la GRC. Parce qu'autrement, comment est-ce qu'on aurait pu même se défendre si on n'avait pas ces preuves que c'était la GRC qui est allée? Et moi, j'ai rencontré des gens personnellement qui étaient dans d'autres formations politiques qui ont vécu la même chose que nous. Mais leur choix, c'était de fermer leur gueule, aller chercher un autre emploi, ne pas parler de ça. Alors, la leçon, c'était, si tu veux continuer de ne pas être sur une liste noire, et pas de garantie quand même qu'ils ne vont pas se mêler encore une fois, le GRC, mais au moins, ce que tu avais la possibilité plus d'avoir un emploi parce que ton nom n'était pas dans les journaux. Nous, on a choisi l'autre et ils nous ont punis pour ça. Donc, j'en arrive à ma question majeure. Vous, avec toute votre histoire et tout votre recul, comment vous anticipez l'arrivée d'une loi comme C-51 au Canada? Est-ce que vous pensez que votre cas peut se généraliser avec un processus de loi comme C-51? Mais c'est évidemment, moi je pense, pas seulement une possibilité, mais le but. Moi, je pense que le but, c'est encore de nous baïonner, de nous empêcher de s'organiser, de trouver les moyens de nous faire peur, de faire peur aux gens autour de nous. Alors, moi, je pense que, comme ma partenaire dans tout ça, Suzanne Chabot, a dit dans une opinion qui a été publiée dans la presse, elle a dit que c'est... toute cette expérience, c'est pas quelque chose qui est une nouveauté. Mais ce qui est une nouveauté, c'est qu'ils veulent légaliser tout ça. En fait, dans le passé, les choses étaient faites. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas faits. Mais maintenant, ils vont avoir le complet droit de faire ce qu'ils ont fait à nous et probablement pire encore. Et on n'aurait même pas des moyens de se défendre contre ça. Malgré la faiblesse de ces moyens de défense, on n'aurait pas des moyens de le faire. Et ça va être en secret et ça ne va jamais sortir pour que les gens le savent. Les gens ne vont peut-être jamais savoir pourquoi ils ont été balancés d'un emploi. Des choses comme ça, et bien pire que ça, des arrestations, on sait les menaces qui existent pour... Si tu bloques un chemin de fer pour protester contre les pipelines, c'est des crimes avec un poids énorme, des temps en prison. Alors tout ça, moi je pense qu'il faut qu'on a vraiment peur de cette loi et surtout comment ça va être appliqué par le gouvernement conservateur. I'm Noam Chomsky, speaking from MIT, you're listening to CKUT 90.3 FM. Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h22. Nous recevons aujourd'hui Dominique Péchard de la Ligue des Droits et Libertés. Bonjour Monsieur Péchard. Bonjour. Tout d'abord, avez-vous une réaction par rapport au sujet que nous venons d'entendre sur les femmes de Pratt & Whitney? Bien, je pense que ça illustre très, très bien le tort et l'atteinte aux droits que des agences de sécurité, au nom de la sécurité nationale, peuvent causer à des individus qui ne peuvent pas toujours se défendre et qui souvent, comme l'a dit la personne qui a été victime, des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont victimes de ces activités-là. Alors, ce n'est pas nouveau, mais comme l'a dit votre dernière personne interviewée, ce que fait le projet de loi, c'est en fait donner une couverture légale à ces activités qui étaient occultes et donc plus de pouvoir au SCRS de faire ce genre de choses. Donc, pour vous présenter, monsieur Péchard, vous êtes président de la Ligue des droits et libertés. Et vous avez co-signé avec un grand nombre de syndicats et d'associations une déclaration commune sur le projet de loi antiterroriste C51, dans laquelle vous rejetez le projet de loi antiterroriste C51. On va ainsi d'abord préciser que la loi fut amendée vendredi par le Parti conservateur, effaçant une mention dans le projet de loi qui aurait exposé les manifestants de toutes sortes. On entend cependant des voix qui s'élèvent en disant que sous C51, le printemps érable n'aurait pas eu lieu et que les manifestations actuelles seraient en grand risque. Selon vous, quels sont les risques pour les futures manifestations et que change C51? Bon, premièrement, je voudrais juste préciser que l'amendement comme a été annoncé, mais on n'a pas les amendements formellement, donc on ne sait pas, ils vont être déposés demain, alors donc on verra vraiment demain les amendements. Celui auquel vous faites référence, c'est celui qui dit que les activités du SRS ne viseraient pas les protestations licites, le mot licite serait enlevé. Mais cela, à mon avis, ne change pas fondamentalement le problème, parce que le SRS déjà se livre à des activités contre des groupes de protestataires. On a vu pendant le G20, par exemple, des activités de surveillance. On sait aussi par des documents qui sont sortis que les services de renseignement surveillent les mouvements autochtones, écologistes, et ainsi de suite. Dans les années 70, par exemple, la GRC qui faisait alors le travail du SRS maintenant, le SRS n'était pas créé, par exemple, a volé les listes du Parti québécois, qui était une organisation parfaitement légitime et pacifique et électoraliste. Alors, le prétexte, c'est qu'il y avait au sein du Parti québécois des personnes qui étaient sympathisantes du FLQ, donc, sous prétexte qu'il y avait des pommes pourries dans le Parti québécois, on pouvait surveiller tout le panier de pommes et toutes les pommes. Alors, le fait que, par exemple, une organisation comme Greenpeace puisse être une organisation qui pacifique et que elle peut à l'occasion faire des actes pacifiques mais de désobéissance civile n'empêchera pas le SRS, même avec avoir enlevé la mention licite, sous prétexte qu'il y aurait par exemple à l'intérieur de Greenpeace des éléments plus radicaux qui pourraient faire du trouble hypothétiquement, de se livrer à la surveillance de l'organisation. Donc le fait d'enlever le mot licite, à mon avis, ne changera pas énormément. Ce qui est préoccupant, c'est que là, il y aura une couverture légale permettant au SCRS de contrer des menaces à la sécurité en utilisant des moyens même illégaux. Alors, on se rappelle comment la GRC, dans les années 70, avait brûlé des granges, émis des faux communiqués du FLQ, volé de l'explosif, volé les listes du PQ, etc. Alors, ça donne une caution, une couverture légale à ce genre d'activité. Et les menaces à la sécurité du Canada sont définies très largement, c'est-à-dire entraver le fonctionnement d'infrastructures essentielles. C'est sur cet aspect-là, vous avez parlé de Greenpeace, d'ailleurs. C'est l'une des dispositions qui semble les plus inquiétantes, notamment pour les mouvements écologistes très actifs ici au Canada, de cette loi qui porte sur les entraves aux infrastructures essentielles et à la stabilité économique. Donc, clairement, avec cette loi, si l'on investit un pipeline, on a des risques d'être considéré comme un terroriste. On a des risques d'être considéré effectivement comme une menace à la sécurité du Canada telle que définie par le gouvernement conservateur, donc de pouvoir être assujetti à ces dispositions-là, donc de voir par exemple son organisation infiltrée, mais aussi des activités de perturbation qui sont permis au SRS, c'est toutes sortes d'activités et même illégales qui peuvent être menées à l'intérieur des organisations pour semer les désorganiser ou affecter leur capacité d'agir, etc. Et c'est évidemment ce n'est pas dans le but de déposer des accusations criminelles. Donc, ça n'aboutit pas devant une cour ou des preuves où on peut savoir ce qui s'est passé. C'est des activités occultes. Donc, ça se peut que l'organisation ne soit pas consciente de certaines des choses, d'où comment c'est arrivé, et que de toute façon, elle ne puisse pas prouver qu'elle a été victime de la part d'activités pour lui nuire. Donc, c'est très, très, très pernicieux. C'est vrai que avec cette idée de faire passer la sécurité avant la liberté et même une loi qui autorise un service gouvernemental à violer la loi, c'est-à-dire à agir de manière illégale, on a un peu l'idée avec cette idée d'anticipation des actes terroristes par la surveillance et cette liberté des services de sécurité d'agir en fonction de ce qu'ils jugent comme la menace. Est-ce qu'on se dirige au Canada vers une surveillance telle qu'on a pu le voir aux États-Unis avec la NSA et les scandales que Edward Snowden a pu révéler? Bon, ça, c'est une autre question qui est liée. Au niveau de la surveillance, les documents Snowden ont démontré ce qu'on avait de bonnes raisons de croire avant, là, mais que, en fin de compte, il y a une surveillance au Canada comme aux États-Unis. On sait que le Service canadien de la sécurité des télécommunications, qui est le pendant canadien de la NSA, ils travaillent main dans la main pour un système de surveillance avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, un système de surveillance globale à l'échelle internationale. Donc, les Canadiens sont dans ce filet-là comme tous les autres. Donc, c'est vrai que il y a une vraie opposition majeure à cette loi, et pourtant elle continue son chemin sur le plan législatif. Quelles sont les possibilités pour l'empêcher d'entrer en vigueur actuellement, et ou alors quelles sont les idées pour une fois si elle est mise en place pour la réguler? Bon, au niveau de le simple fait que le gouvernement conservateur apporte des amendements, même s'ils sont complètement insatisfaisants, témoigne quand même que l'ampleur de l'opposition à son projet de loi l'a obligé à prendre quelques mesures, même si elles sont déficientes et largement symboliques, à mon avis. L'autre aspect qui pose problème depuis des années au Canada, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de pouvoir accordé à ces agences-là d'agir dans l'ombre et en violant des droits, avec des conséquences dramatiques sur certaines personnes, comme par exemple Maher Harar est un cas emblématique, et qu'il n'y a aucun mécanisme de contrôle de ce qu'elles font. Et ça fait suite à l'enquête Maher Harar, la commission d'enquête, le juge avait recommandé la mise en place d'un système global et avec des pouvoirs de surveiller le travail de ces agences-là pour qu'elles protègent les Canadiens des abus. Et donc, ça, on l'attend toujours et on continue de le demander. Et il y a de plus en plus de voix au Canada qui le demandent. Je voudrais juste faire un mot en conclusion sur la sécurité. Au nom de la sécurité, mais de la sécurité de qui? De la sécurité des compagnies pétrolières de continuer d'exploiter ou de la sécurité des Canadiens par rapport à la santé ou à l'avenir de la planète? Et la sécurité est invoquée, mais c'est la sécurité de qui? En fait, les gens qui sont du point de vue de la Ligue des droits et libertés, ce sont les opposants à ces projets-là qui, en fait, sont les défenseurs de ce que nous, on considère une véritable sécurité pour la population. Y a une vraie idée dans cette loi qui paraît très effrayante, c'est-à-dire de casser toute l'opposition politique non institutionnalisée. Ça apparaît comme une récurrence dans les termes de la loi qui vont viser les écologistes, les militants d'ultra-gauche et même les indépendantistes. Oui, puis il y a d'autres dispositions dans la loi qui vont dans ce sens-là qu'on n'a pas mentionné dans cette entrevue à date. Il y a le partage d'informations entre les différents ministères. Jusqu'à maintenant, nos renseignements comme

que ça me coûte. Des photos sur des murs, des téléphones, sur table d'écoute, on me reproche de crier trop fort ce que je pense. De mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente la pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mouton galeux, un mec dangereux. Okay, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening. Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h38. Nous allons maintenant fermer cette... Nous allons maintenant continuer cette partie de l'émission sur la loi C-51. Je m'appelle Antoine et je suis votre hôte dans cette émission. Nous allons maintenant écouter un entretien réalisé par Anouk Millet du CKUT News Collective avec William, l'un des organisateurs de la marche silencieuse contre C-51 le 14 mars dernier à Montréal. Il va nous expliquer comment s'est déroulée la marche et les revendications des manifestants. Cette marche se déroule à Montréal ainsi que dans un grand nombre de villes au Canada. Mon nom est Anouk Millet et je suis rejoint au téléphone par William, un membre de Anonymous Québec. Ce groupe a lancé l'opération C-51 le 26 février dernier et William a aidé à organiser la manifestation du 14 mars à Montréal dans le cadre de la Journée nationale d'action contre le projet de loi du gouvernement Harper. Bonjour, bon. William. Ça va bien. Ça va et vous? Pas bien, pas bien. Pour commencer, je vais te demander de nous parler un peu plus du groupe Anonymous Québec et de la raison pour laquelle l'opération C-51 a été lancée. Parfait. Mais Anonymous Québec, je ne sais pas si vous connaissez un peu le mouvement Anonymous à travers le monde. Non, vas-y, parle-nous en plus. Plus ou moins, ça, c'est un mouvement vraiment décentralisé de personnes qui se lèvent contre la surveillance Internet, contre la censure Internet. Ils font du cyberactivisme pour pouvoir comme promouvoir certaines idées. Alors, aux États-Unis, c'est vraiment un mouvement qui est très, très grand. Mais au Canada, c'était plus ou moins coordonné. Il y a quelques petites initiatives par-ci, par-là. Mais nous, ici, on arrive et on veut créer un Anonymous Canada, un Anonymous Québec, comme c'est réunir les provinces ensemble. Mm-hmm. Et c'est quoi les objectifs précis d'Anonymous Québec? Nos objectifs précis, vraiment, c'est qu'on veut réveiller les gens. On est surtout, c'est un effort de coordination et d'amplification. On veut faire lever tous les problèmes qui ne sont pas encore politisés, des affaires qui ne sont pas dans les médias. Bref, on offre une alternative aux médias mainstream, entre guillemets. Que les gens peuvent aller chercher de l'information qui rentre en direct et tout. Donc, personnellement, comment est-ce que toi, tu as commencé à t'engager avec cette opération et à organiser la manifestation et tout ça? C'est vraiment que dès que C-51 était un projet de loi, puis ça a été mis de l'avant, mais surtout quand ça a commencé à être médiatisé, là, on s'est levé, on s'est dit c'était assez, c'est allé trop loin. Ça va vraiment gruger sur nos droits, sur nos libertés. Sur alors, quel droit on s'est réunis, puis on a dit non. Sur quel droit et liberté tu parles en particulier? Mais projet de loi C-51, c'est sûr, eux autres, la façade qu'ils mettent, c'est qu'ils veulent nous protéger contre le terrorisme au Canada, ici. Ils disent que c'est une menace vraiment grandissante. Mm-hmm. Une menace qui a été présente depuis un peu toujours. Le terrorisme a toujours fait partie de toute société. Donc là, ouais. C-51, eux, surtout les gros problèmes, c'est que ça donne des pouvoirs accrus aux services de sécurité, comme la GRC, la CSIS. Mm-hmm. Aussi, ça va permettre à la Cour fédérale d'autoriser des mesures justes et adaptées aux circonstances pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada. Bref, ce que ça va faire en bout de ligne, c'est que ça va criminaliser toute activité qui porte atteinte à l'infrastructure critique, économique et l'état financier du Canada. D'accord. Donc là, ça va mettre dans le même bateau tous les activistes, tous les personnes, les environnementalistes, tous ceux qui se lèvent pour un monde égal, qui veulent proposer l'opinion séparée, l'opinion majoritaire que tout le monde partage. Ils vont l'éteindre, toute forme de dissidence politique, pour finalement pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mm-hmm. C'est pas correct. Ouais. Et tu peux nous parler un peu de comment s'est déroulée la marche du 14 mars à Montréal? Ah oui, ça c'était super le fun. C'est vraiment, c'est sur Reddit, ils ont fait un consensus et le 14 mars, ça allait être la journée de manifestation nationale. C'est qui, il? Alors, pardon? C'est qui, il? Tu parles c'est de... Reddit, mais les gens sur Reddit, là, ceux qui postent. Ah, oh, d'accord, OK. Donc, c'est un mouvement assez populaire? Oui, exactement. Plein de gens qui se sont levés, surtout sur Internet, là, vu que ça n'en parle pas beaucoup dans les médias, ben il faut en parler à quelque part. Mm-hmm. Puis alors, nous, c'est une manifestation, elle, qu'on organise à Montréal. Il y a environ 750 à environ 1500 personnes. C'est très vague, là, mais environ 1000 personnes. Ouais. C'était assez populeux. On a arrêté devant les bureaux de Justin Trudeau pour justement faire du bruit, parce qu'il est pour le projet de loi C-51, même s'il se prononce contre la rhétorique anti-terreur, etc., que Harper prononce. Mm-hmm. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont mis du tape sur leur bouche avec écrit dessus C-51 pour montrer un peu symboliquement c'est quoi que ça représente, C-51, que ça éteint nos droits d'expression. Puis le seul problème, c'est qu'il a fait froid. Donc là, quand on est rendu devant les bureaux de Justin Trudeau, puis là, il y a de Frédéric Blot de Greenpeace, Daniel Green du Parti vert du Canada qui ont commencé à parler, mais les gens, ils commençaient à partir justement à cause du froid. Ouais. Et il n'y a pas eu de réaction de la police ni rien? Ouais, la police, là, elle faisait juste nous suivre. C'est sûr, ils veulent être conformes à ce que je pense, le ministre McKay a dit, disant que des manifestations de la sorte, ça, c'est totalement toléré. Alors, s'il y avait eu de la répression politique, ça aurait contredit leur message. D'accord. Tu penses que si le projet de loi C-51 avait passé avant cette manifestation, ça aurait changé quelque chose au déroulement? Fort probablement, on peut pas dire quoi, parce qu'eux, ils disent que non, ça serait toléré. Ça l'est-tu vraiment? Du moment que ça l'empêche, eux, leurs objectifs, là, ça va devenir illégal, entre guillemets. Mais c'est ça, ils veulent le faire passer le plus vite possible, ils veulent pas que ça se fasse amender, ils veulent pas que les gens puissent en discuter, même si en ce moment, il y a un comité qui est érigé justement dans le but de le décortiquer, de voir les points forts, les points faibles. Mm-hmm. Mais en ce moment, les conservateurs, ils font vraiment juste des tactiques partisanes, ils prennent tout le temps de questionnement. Ils empêchent Elizabeth May, le commissaire de la vie privée du Canada, de pouvoir s'exprimer. Il y a le barreau canadien du Canada, ben c'est sûr, le barreau canadien, que eux ils se lèvent et ils disent non, c'est trop vague, ça va porter à trop d'atteintes à la vie privée des gens, ça va empêcher la dissidence politique, entre guillemets. Mais eux autres, les conservateurs, ils font juste libeller ça de théorie du complot, ce qui est un non-sens. Vous écoutez CKUT 90.3 FM, c'est en profondeur et il est 5h45. Nous allons maintenant fermer cette partie de l'émission sur la loi C-51. J'espère que vous avez apprécié ces différents reportages. Nous aurons beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet, mais il est temps d'accueillir Mathieu pour sa chronique Les Apatrides Anonymes. Salut Mathieu, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Antoine, on parlait un peu du super programme de la CAQ en matière d'immigration. On parlait aussi d'une nouvelle initiative lancé en Europe pour faire des camps de réfugiés pour les demandeurs d'asile directement en Afrique. Et aussi, je vais commencer avec certaines nouvelles autour des programmes d'immigration ici au Canada. Vas-y, parle-nous de ça. Hein. Donc, pas beaucoup de gens s'en rappellent, j'imagine, mais il y a 4 ans, en avril 2011, il y a eu un nouveau règlement qui a concerné le programme des travailleurs immigrants temporaires qui donnait 4 ans, donc à partir de ce moment-là, aux travailleurs qui sont dans ce programme-là pour rester au Canada. Donc, il faut travailler un maximum de 4 ans et ensuite était renvoyé tout simplement, donc une marchandise jetable, comme ça arrive dans plusieurs programmes ici au Canada et ailleurs. Donc, le 1er avril 2015, c'est dans quelques jours. Et là, il y a des milliers de personnes qui ne savent pas trop ce qui va arriver avec eux et avec elles. C'est des gens qui sont sur des programmes, entre autres, au niveau agricole, au niveau domestique. Et ces gens-là, la plupart veulent rester ici parce qu'ils ont commencé à faire leur vie ici, ont des familles ici, bon, remplissent des besoins aussi en main-d'œuvre qui sont nécessaires. Et là, il y a comme une espèce de flou parce qu'officiellement, le 1er avril, ils devront quitter si ça fait 4 ans qu'ils sont là. Donc, on parle de 4 ans consécutifs. Et ils ne peuvent revenir avant 4 autres années pour retravailler au Canada. Il y a une grosse vague de déportation qui s'annonce puisqu'il y a eu aussi les Haïtiens, les Zimbabwéens qui ont été annoncés. Oui, exactement. Ça, c'est la fin des moratoires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Donc, là, il y y a eu un programme en Alberta qui était temporaire, qui devait prolonger parce que l'Alberta a une énorme population de travailleurs migrants. Pour les autres provinces, on ne le sait pas trop, donc on va surveiller ça dans les prochaines semaines. Le Conseil canadien pour les réfugiés a envoyé un communiqué justement pour alerter un peu la population et les médias là-dessus, parce que ça devrait, bon, ces gens-là devraient avoir droit à la résidence permanente, évidemment, après tant d'années à travailler ici. Et là, on se retrouve dans une espèce de vide ou de crainte d'être déporté d'un jour à l'autre. Donc, ça va être, à surveiller. On parle des travailleurs migrants qu'on qualifie de peu qualifiés au niveau, par exemple, domestique ou de l'agriculture ou des services, par rapport à des travailleurs qualifiés qui ont d'autres styles de programme. Si on a divisé ça fait longtemps entre les différentes classes de travailleurs. Toujours dans le même sujet, il y a une recrudescence, tu en parlais justement, des rafles ou des descentes de l'Agence des services frontaliers du Canada depuis quelques semaines. C'est ce que Solidarité sans frontières souligne dans ses dernières communications. On parle de la grande région de Montréal, donc des descentes dans des domiciles, dans des usines pour essayer d'attraper des travailleurs illégaux, des immigrants illégaux. Mais on parle quand même de pression sur certains personnes dites sans papier pour dénoncer d'autres personnes, des séparations de famille, des situations de profilage racial dans des lieux publics. Donc, des choses très, très... des méthodes assez graves, on va dire. Hein? Assez graves et assez répétitives depuis quelques années. Donc, Solidarité sans frontières avertit un peu la population, les médias, les alliés, les personnes sans papier elles-mêmes de faire attention aussi de dénoncer les situations. Et se mobiliser. Hein. Et beaucoup de gens ont été arrêtés dans ce cadre de ces rafles-là. Ils n'ont pas eu le droit à un avocat, donc ont été envoyés dans des centres de détention directement. Donc, entorse évidemment aux règles, aux peu de règles qu'il y a pour défendre les sans-papiers ou les gens sans statut. Donc, voilà, autre nouvelle. Mais une petite bonne nouvelle à travers ça, on a deux camarades, dont Noé Ortega Santos, qui milite dans beaucoup de groupes ici à Montréal, qui ont gagné leur cause en cours pour avoir été injustement congédiés et expulsés. C'était deux travailleurs agricoles guatémaltèques qui ont été... ça faisait 5 ans qu'ils faisaient des démarches pour congédiement justifié parce qu'ils avaient organisé des... protestation dans leur milieu de travail parce qu'un de leurs camarades n'avait pas le droit à des services de santé alors qu'il était malade. Donc, ces gens-là avaient été donc congédiés et déportés vers le Guatemala. Ils sont revenus après sur un autre programme. Et là, ont gagné contre l'entreprise Savoura, qui produit beaucoup de tomates ici au Québec, donc au niveau agricole. Ont donc gagné leur cause il y a quelques semaines. Mais comme par hasard, la compagnie vient de tomber sous la loi des faillites. Donc, ils ne savent pas du tout si on va en compensation. Okay. Mais c'est quand même un précédent intéressant pour d'autres... Ouais, on avait reçu Noé ici à CKUT dans l'égalité pour parler de sa cause. Et c'est vrai que au final, si l'entreprise tombe en faillite, c'est un peu dommage pour les droits et intérêts éventuels, mais bon. Pour les compensations, mais ouais. Aussi, bon, comme je disais, le précédent est fait. Peut-être aussi souligner que dans le cadre des travailleurs agricoles, il y a un projet de loi qui a été adopté à l'automne dernier qui interdit maintenant aux travailleurs agricoles temporaire ou pas, de se syndiquer. Donc, c'est un autre obstacle de plus à la défense de leurs droits. Et il y a des listes noires qui existent pour ceux et celles qui contestent, qui défendent leurs droits. Donc, c'est un milieu assez difficile. Il y a une vidéo qui a été faite, donc, qui s'appelle... qui concerne Savoura et les travailleurs immigrants. Allez le voir sur Internet. Vous pouvez le trouver comme ça. Savoura. Donc, pour voir le vidéo. Au niveau de la CAQ, Coalition Avenir Québec, parti politique plutôt de droite au Québec, oui. Qui existe depuis quelques années, a lancé la semaine passée, presque il y a 2 semaines, son programme au niveau de l'immigration, qui ressemble un peu aux orientations du Parti conservateur au fédéral depuis quelques années, mais qui va encore plus loin. On parle ici d'accélérer la procédure d'immigration pour les personnes ayant des qualifications qui correspondent aux besoins du marché du travail. Donc, c'est toujours la même logique depuis quelques années. On ajuste l'immigration aux besoins des entreprises privées. Oui, donc, pas pour les droits, pas pour l'asile, pas pour les familles, mais bien pour les entreprises canadiennes et donc l'économie. Et évidemment, il en a profité pour dire que ces propositions pourraient, je parle de François Legault, pourraient aussi répondre aux préoccupations soulevées par la fameuse radicalisation des jeunes dont on parle beaucoup ces temps-ci ici. Peut-être dire que... quel besoin juste ici, de connecter les immigrés directement à la radicalisation, évidemment. Encore une fois. Ben écoute, c'est de la belle démagogie, c'est sûr. Donc le modèle, pour ceux et celles qui connaissent un peu le modèle canadien, on parle ici évidemment qu'au Québec, les gens doivent avoir un certificat de sélection du Québec qui est recommandé au fédéral et ensuite les gens ont leur résidence. résidence, éventuellement leur citoyenneté. Là, il veut vraiment rajouter des étapes et renforcer un peu le filet, c'est-à-dire instaurer un certificat d'accompagnement transitoire pour 3 ans. Donc, les gens seraient en test pour 3 ans avant de pouvoir avoir quoi que ce soit comme statut officiel. Donc, ils seraient évalués après 3 ans, donc les immigrants, sur leur connaissance du français et des valeurs québécoises, ainsi que leur validité de leur recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment des critères qui sont nouveaux, qui sont assez intenses. Et les gens, s'ils passent le test, ils obtiennent le certificat de sélection. Beau lapsus. ça existe aussi. Et ensuite, mais ils doivent signer une déclaration qui les engage à respecter les valeurs de la société québécoise. Là, on va assez loin quand même au niveau du contrôle et au niveau de la pseudo-indécréation. Et ceux qui ne passent pas leur test ont une autre année pour essayer, sinon après, c'est l'expulsion. Mais pendant tout ce temps-là, les gens ne sont ni résidents permanents, ni citoyens. Donc, ils sont dans une espèce de nouveau statut en attente d'eux. Et quand on lit ça directement avec les procédures de déportation dont tu as parlé avant, ça crée un petit souci quand même. Oui, ça, on fait des liens assez vite. Mais évidemment, selon la loi canadienne actuellement en immigration, ça serait impossible d'appliquer ça parce que c'est le Canada qui a le dernier mot sur les immigrants qui expulse. Ouais. C'est pas le Québec qui peut faire ça. Donc, il faudrait renégocier les ententes et tout et tout. Bon, c'est un projet populiste qui a été lancé dans la vague qu'on a actuellement de préoccupations et un peu de crise autour de l'immigration, des valeurs et blablabla. Mais disons que c'est quand même inquiétant de voir que ce parti qui quand même a beaucoup d'appui puisse proposer des choses aussi directement de ça sans trop s'en faire. Pendant qu'au Parti québécois, on revient avec la Charte des valeurs et aussi on a des propos comme ceux de Péladeau sur l'immigration qui est un problème. Donc, on commence à ressembler à certains pays... que tu connais, Antoine, oui, que je pense. Connais, oui. Justement, parlant d'Europe, donc, l'Union européenne ressuscite l'idée de créer des camps de réfugiés transitoires en Afrique. On parle pour l'instant dans les pays qui ont été nommés Tunisie, Niger, Soudan. Il y a un projet pilote au Niger qui devrait commencer dans quelques semaines. Donc, devant le flux migratoire qui augmente à chaque année de migrants légaux, illégaux, plus ou moins officiels, entre autres par la Méditerranée. Il y a aussi l'Europe de l'Est, mais là, on parle ici plus de la Méditerranée. On parle, en 2014, de 200 villes migrants qui ont traversé la Méditerranée contre 70 000 en 2013. Donc, on parle de faire ces camps-là qui avaient déjà été dans l'air, mais évidemment qui seraient super complexes au niveau à la fois administratif, légal, au niveau politique et au niveau social. Donc, où les gens seraient triés selon le fait qu'ils sont des immigrants légitimes ou pas, des réfugiés légitimes ou pas. Donc, encore un peu la même mentalité de bons et mauvais immigrants. Donc, leur dossier sera examiné là pour les besoins de protection et obtiendraient éventuellement le droit de les transférer en Europe. Mais on sait très bien que les pays européens et l'Union européenne ne font pas vraiment ça pour se préoccuper du sort des gens, mais plus parce qu'ils sont débordés complètement. Ça paraît une mesure qui est assez dramatique quand on sait le nombre de migrants qui meurent chaque année en essayant de traverser la Méditerranée. Des dizaines de milliers. Mais en même temps, on sait que le problème, c'est pas nécessairement qu'ils soient triés ou pas à un endroit ou l'autre. C'est plus qu'il y a des pays où est-ce que les gens fuient parce qu'il y a des raisons objectives. Et aussi parce que les gens veulent venir en Europe parce qu'il y a un meilleur niveau de vie. Mais évidemment, ici, on veut séparer les réfugiés politiques des réfugiés économiques, qui sont aussi de plus en plus nombreux parce qu'il y a des problèmes économiques un peu partout dans les pays du Sud, entre autres. Donc, on parle ici d'une collaboration avec le Haut-Commissaire pour les réfugiés et l'Organisation mondiale des migrations pour faire ces camps-là. Mais c'est ça, on précise vraiment qu'on veut pas des migrants économiques. Donc, comment on peut faire la différence quand on est dans un camp de réfugiés? La question est pas évidente. Donc, mais tout ça pour dire que... au lieu d'attaquer les sources du problème, c'est-à-dire le fait de pourquoi les gens migrent tant que ça, pourquoi les gens veulent venir en Europe, on essaie de trouver des solutions un peu temporaires. Et évidemment, les pays qui sont les plus touchés, comme l'Italie, la Grèce, par les gens qui arrivent par mer, comme tu disais, font de la pression sur les autres pays qui, eux, ne veulent pas payer pour ce genre d'initiative-là non plus. Donc, toutes les dynamiques à l'intérieur de l'Union européenne, évidemment. Et il y a aussi l'Allemagne avec les pays de l'Est, il y a aussi l'Angleterre avec, la France, tout ça. Donc, c'est toujours un peu les mêmes débats qu'on a depuis quelques mois. Et le nombre de morts en mer, évidemment, accentue la pression pour trouver des solutions, mais malheureusement, on n'est peut-être pas dans les solutions très, très générales. peut-être quelques instants pour te dire aussi que, justement, dans le même sujet, je te parlais tantôt du nombre d'immigrants par la Méditerranée. Au niveau des immigrants dits illégaux, en 2014, on parle de 274 000 contre un peu plus de 100 000 en 2013. Ça, c'est ceux qui sont recensés, oui, évidemment. Les plus nombreux sont les Syriens depuis plusieurs années. On ne se demande pas pourquoi. Et on a aussi des situations de crise importantes en Érythrée, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Irak et en Libye. Donc, ça fait aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, surtout par la Libye maintenant, qui est le principal endroit d'où les gens partent pour l'Europe. Et on parle de 170 000 en Italie, de 50 000 en Grèce. Donc, comme je te disais, c'est assez important comme nombre de migration. Et on va avoir dans les prochains mois aussi d'autres propositions de l'Union européenne. Mais en attendant, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide, qui meurent, et il n'y a pas de solution de fond là, qui sont faites. J'ai peut-être une petite brève. Encore, tu as oui, encore le temps, bien sûr. En terminant. On revient au Canada rapidement. Un article d'un camarade qui travaille pour les droits des migrants, Samir Sahin Hussein, qui a produit un article assez intéressant, en anglais par exemple, dans le numéro mars-avril du magazine Briash Patch. C'est B-R-I-A-R-P-A-T-C-H. Un article sur l'accès aux soins de santé pour les migrants. Il y a eu beaucoup de changements depuis quelques années. Il y a des gens qui n'ont plus droit. Et ça offre une critique aussi des effets néfastes des politiques canadiennes actuelles sur la santé et le bien-être des migrants. Donc, ça vous tente d'aller lire cet article-là. C'est un article de fond assez intéressant qui donne un bon portrait. Donc, Briard Patch, donc le magazine, ouais, Samir Sahin Hussein. L'article s'appelle « Beyond the cuts to refugee healthcare, immigration policies kill ». Donc, On conseille à tous nos auditeurs d'aller lire cet article. Bien, certainement, dans les sujets qu'on parle ici. Et je voulais peut-être aussi saluer, en terminant, la mobilisation qu'on a eue samedi dernier pour la manif contre le groupe Pédiga dans le quartier, ouais, Saint-Michel. Donc, des centaines de personnes se sont mobilisées et la manif de ces gens-là, on ne sait pas trop ce qui existe, n'a pas eu lieu parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Il y en a une autre de prévue en fait semaine prochaine, donc on verra. Il y a une contre-manif de prévue aussi. On peut signaler quand même que l'attitude de la police était limite plus bienveillante pour Pegida que pour les anti-Pegida, donc c'est parfois un peu bizarre dans ce contexte. Oui, tout à fait. Oh, ouais, tout à fait. Comme on a vu au Cégep Maisonneuve hier aussi, il y a eu un peu de brassage entre des gens qui voulaient dénoncer l'islamisation du Québec et ceux qui les traitaient d'islamophobes et de racistes. Donc, ça risque de continuer. Ce débat-là, avec tout ce qu'on a parlé dans la chronique, sont très présents ici actuellement. Bien sûr. Ben, merci beaucoup, Mathieu. On revient dans 3 semaines, donc le 20 avril. Voilà. Donc, en profondeur, c'est fini. Je m'appelle Antoine et j'ai été ravi d'être votre hôte ici pour la première fois. Je tiens à remercier mon invité Dominique Pécha, mais aussi Mathieu pour sa chronique, bien sûr. Merci. Ainsi que Anouk pour son entretien. Un grand remerciement aussi à Wendy Stevenson. Merci à tous ceux qui permettent une antenne libre et inspirée ici à CKUT. Pour plus d'informations sur cette émission ou si vous voulez vous engager, contactez le département des nouvelles communautaires à CKUT au 514-448-4041 extension 6788 ou news@ckut.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon après-midi.